بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا متابعة درس الأصول الثلاثة ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على إكماله اليوم. Donc, ceci est la suite donc, de l'explication du livre des trois fondements. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à terminer le livre aujourd'hui, incha'Allah ta'ala. Fayaqulu l'imam rahimahullah, al-martabatu thalitha al-ihsan, ruknun wahid. وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Donc le troisième degré, qui est le degré de la bienfaisance, qui est le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui certes il te voit. فقد تقدم الكلام عن الإسلام عن المرتبة الأولى والثانية للدين الإسلامي وهما الإسلام والإيمان ونحن الآن نواصل ونتكلم عن المرتبة الثالثة والأخيرة وهي الإحسان. Donc comme nous avions vu hier que la religion est composée de trois degrés, le degré de le premier qui est le degré de l'islam, puis le deuxième le degré de la foi, puis le troisième le degré de la bienfaisance, qui est celui que nous allons voir aujourd'hui, Inch'Allah. Al-Ihsan, comme a dit le Moussannif, ma'khoudun min hadithi Nabi sallallahu alayhi wa sallam, an ta'bud allaha ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarahu, fa'innahu yarak. Donc la bienfaisance, comme l'auteur le dit dans son livre, et ceci il l'a pris du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que donc la bienfaisance c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais. C'est d'adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui certes il te voit. Wa min hadha yu'khadh bi anna al-ihsan lahu maqaman. Al-ihsan lahu maqaman. Donc la bienfaisance, de là on comprend que la bienfaisance contient deux niveaux. المقام الأول le premier niveau أن تعبد الله كأنك تراه, que tu adores Allah comme si tu le voyais. بأن يبلغ بك اليقين كأنك ترى الله عز وجل عيانا كأنه سبحانه أمامك. Donc le premier niveau c'est donc que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais, de telle sorte que tu as une telle certitude sur Allah subhanahu wa ta'ala, que tu l'adores comme si tu voyais Allah de tes yeux, comme si Allah était devant toi. وهذا أعلى المقامين. Et ce niveau est le plus haut des deux niveaux de la bienfaisance. C'est que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. والمقام الثاني, et le deuxième niveau de la bienfaisance, أن تعبد الله على طريقة المراقبة بأن تعلم يقينا أن الله يراك ويعلم أحوالك ويعلم ما في نفسك. Donc le deuxième niveau qui est un niveau moindre que le premier, c'est que tu adores Allah en ayant conscience qu'il te voit et qu'il connaît tout ce qu'il y a en toi. Il connaît ta situation, il connaît tout ce qu'il y a en toi. وهذا يوجب لك الخوف Et ceci donc te pousse à le craindre. Car tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit et qu'il entend tout ce que tu dis. Il voit tout ce que tu fais, il entend tout ce que tu dis. Et il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Donc ce degré, qui est le degré donc, qui est plutôt ce niveau, qui est le deuxième niveau, c'est que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala en ayant conscience qu'Allah est parfaitement connaisseur de ce que tu fais, qu'il te voit, qu'il t'entend. Et comme nous avons dit, ce niveau implique et va engendrer la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, la crainte de lui désobéir, car tu sais qu'il connaît tes moindres faits et gestes. Quant au premier niveau, qui est comme nous avons dit que tu adores Allah comme si tu le voyais, Quant au premier niveau, non seulement il va engendrer la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est comme si tu voyais Allah subhanahu wa ta'ala devant toi. Comme si tu voyais Allah subhanahu wa ta'ala qui est ton créateur devant toi. Donc ceci va engendrer la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, la peur de lui désobéir, mais également, en plus de cela, ça va engendrer en toi la vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala et le fait que tu vas faire des efforts pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est comme si tu le voyais devant toi. Et c'est pour cela que ce niveau, le premier, est plus haut que le deuxième. والدليل قال الإمام والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Donc la preuve en ce qui concerne donc le degré, le troisième degré qui est le degré donc de la bienfaisance, c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: certes Allah est avec ceux qui le craignent et avec ceux qui sont bienfaisants. Et avec ceux qui sont bienfaisants. هذه معية الله عز وجل للمتقين المحسنين. Donc ceci est là, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec les pieux et les bienfaisants. Il est avec eux, wa ma'ahum bil hifzi wan nasri wat ta'yidi. Il est avec eux dans le sens qu'il les protège, qu'il les secourt et qu'il les appuie et qu'il les soutient dans leurs affaires. هذه تسمى المعية الخاصة. Donc ceci est un accompagnement spécifique qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accompagne précisément parce que tu es pieux et parce que tu le crains et parce que tu es bienfaisant. Allah subhanahu wa ta'ala va être avec toi en te préservant et en te soutenant et en t'accordant la victoire sur tes ennemis. هذه معية خاصة. Ceci est un accompagnement spécifique. وهناك معية عامة. Il y a un accompagnement général. وهي أن الله عز وجل مع خلقه يعلم كل أحوالهم. C'est-à-dire que l'accompagnement général, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec ses créatures dans le sens qu'il sait qu'il connaît toutes leurs situations, qu'il sait tout ce qu'ils font, qu'il entend tout ce qu'ils disent. Donc ceci est un accompagnement général, dans le sens qu'il les voit, il les entend et il sait leurs moindres faits et gestes. Il connaît leurs moindres faits et gestes. Alors qu'avec les croyants pieux, et cet accompagnement général, toutes les créatures sont égales dedans. Le mécréant et le croyant. Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que le croyant fait et il sait ce que le mécréant fait. Le pieux et le désobéissant. Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que le pieux va faire et ce que le désobéissant va faire. Alors que le premier, al-ma'iyatul khassa, alors que l'accompagnement spécifique, en plus de ça, implique le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala va le secourir et le préserver. et lui accorder son soutien et la victoire sur ses ennemis. وفي هذه الآية الله سبحانه وتعالى يقول لنا إنه مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فهو مع الذين اتقوا وهم الذين جعلوا بينهم وبين غضب الله عز وجل وقايا وهذه الوقاية هي بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. Donc, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il est avec ceux qui le craignent et ceux qui sont bienfaisants. Ceux qui le craignent, c'est-à-dire ceux qui ont mis entre eux et la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala une chose qui va les protéger, une protection. Quelle est cette protection? Cette protection, c'est le fait qu'ils obéissent aux ordres d'Allah et ils délaissent ses interdits et ils s'écartent de ses interdits. Ceci est la protection contre la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui va être protégé de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va quoi? Il va faire ce qu'Allah a ordonné et s'écarter de ce qu'Allah a interdit. Et cela lui servira de protection contre la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ et ceux qui sont bienfaisants. Allah est avec ceux qui le craignent. Donc nous avons défini quels sont ceux qui le craignent. Ce sont ceux qui font ce qu'il a ordonné et qui s'écartent de ce qu'il a interdit. Et avec, il est également avec ceux qui sont bienfaisants. وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ أَحْسَنُوا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ أَحْسَنُوا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ بِالْإِخْلَاصِ وَصِدْقِ الْمُرَاقَبَةِ وَالْمُتَابَعَةِ وَأَحْسَنُوا إِلَى عِبَادِ اللَّهِ بِمَا يَسْتَطِيعُونَ الْإِحْسَانَ بِهِ. Donc ceux qui sont bienfaisants, c'est-à-dire ceux qui sont bienfaisants dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, de telle sorte qu'ils adorent Allah avec sincérité et conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont été bienfaisants également envers les créatures, en faisant tout le bien qu'ils peuvent faire aux créatures. فَالْإِحْسَان يَشْمَلَ الْإِحْسَان فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَالْإِحْسَان إِلَى عِبَادِ اللَّهِ. Donc la bienfaisance comprend la bienfaisance dans l'adoration d'Allah et la bienfaisance qui est faite aux créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait d'être bienfaisant envers les créatures. وكذلك من الأدلة على الإحسان قوله تعالى يقول الإمام وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. Donc également parmi les preuves du degré de la bienfaisance, les versets suivants. Allah dit, et place ta confiance sur le puissant, très miséricordieux, celui qui te voit lorsque tu te lèves, et qu'il voit et qui voit tes mouvements parmi ceux qui se prosternent. Certes, c'est lui l'audient, l'omniscient. Et dans l'autre verset, Allah dit, et tu ne te trouves pas dans une situation, et tu ne récites pas de Coran, et tu ne fais pas un acte sans que non. Et vous ne commettez pas un acte sans que nous soyons témoins de ce que vous faites au moment où vous le faites. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Donc c'est tous ces versets que je viens de réciter sont des preuves sur le deuxième niveau de l'ihsan. Qu'Allah subhanahu an ta'bud Allah kanaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Lui, il te voit. Si toi tu ne le vois pas, lui certes il te voit. Ces versets là prouvent qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit et connaît la moindre chose que tu fais et la moindre parole que tu dis. Quant au premier verset que nous avons cité, qui est le verset lorsqu'Allah dit, certes Allah est avec les pieux et avec ceux qui sont bienfaisants, celui-là est une preuve sur le premier degré ou sur le premier niveau de l'ihsan, qui est que tu adores Allah comme si tu le voyais, du fait que tu as l'impression, du fait que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais, comme si Allah était en face de toi, donc tu vas faire des bonnes œuvres. ثم قال الإمام رحمه الله والدليل من السنة et la preuve dans la sunna que l'ihsan, que la bienfaisance est un des degrés de la religion, حديث جبريل المشهور, le hadith de Jibril عليه السلام, عن عمر رضي الله عنه قال, selon عمر رضي الله عنه qui a dit, بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. Donc Omar رضي الله عنه dit, alors que nous étions un jour autour du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, un homme vient à nous, un homme arriva et il portait des vêtements blancs et avait les cheveux très noirs. لا يرى عليه أثر السفر, on ne voyait pas sur lui des traces de voyage. ولا يعرفه منا أحد, et personne parmi nous ne le connaissait. Donc ils ont été étonnés. Cet homme était apparu avec des vêtements propres, blancs, des cheveux noirs, donc on ne voyait pas sur lui des traces de voyage. Donc ce n'est pas un étranger qui est venu à Médine. Et ce n'est pas non plus un habitant de Médine, car personne parmi les compagnons ne le connaissait. Donc ceci était étrange pour eux. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه, jusqu'à ce qu'il alla auprès du prophète صلى الله عليه وسلم, il s'asseya devant le prophète صلى الله عليه وسلم en collant ses genoux aux genoux du prophète et en mettant ses mains sur ses genoux ou sur ses cuisses, Afwan, sur ses cuisses, et en mettant ses mains sur ses cuisses. وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. Puis il dit au prophète صلى الله عليه وسلم, il lui dit, ô Muhammad, informe-moi qu'est-ce que l'islam, dis-moi qu'est-ce que l'islam. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Donc le prophète lui répondit, l'islam c'est que tu témoignes que rien ne mérite d'être adoré à part Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, et que tu accomplisses la prière, que tu t'acquittes de la zakat, que tu jeûnes le mois de Ramadan, et que tu fasses le pèlerinage à la maison sacrée si tu en as les moyens. Qala sadaqta. Alors cet homme dit au prophète, tu as dit vrai. Omar dit, فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ. Nous avons été étonnés, nous avons été surpris. Comment il interroge le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis ensuite il lui dit que oui, c'est vrai, tu as dit vrai. Ce que tu as dit est vrai. Car s'il pose la question, c'est qu'il ne connaît pas la réponse. Donc comment il a pu dire après que le prophète lui a répondu, comment il a pu dire que oui, c'est vrai ce que tu as dit. Oui, ce que tu as dit est vrai. Donc les compagnons étaient encore plus étonnés. ثم قال أخبرني عن الإيمان. Puis cet homme dit au prophète صلى الله عليه وسلم, informe-moi qu'est-ce que la foi, qu'est-ce que l'Iman. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. La foi c'est que tu crois en Allah, à ses anges, à ses livres qu'il a révélés, à ses messagers qu'il a envoyés, au jour dernier, et que tu crois au destin bon et mauvais. قَالَ صَدَقْتَ. Il redit encore une fois, tu as dit vrai. Cet homme dit encore une fois au prophète, tu as dit vrai. Puis il dit, أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ. Informe-moi, qu'est-ce que l'Ihsan, qu'est-ce que la bienfaisance. فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. La bienfaisance, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui certes, il te voit. وهذا محل الشاهد وهذا الدليل على أن الإحسان من الدين. وهذا الحديث هو دليل على أن الإسلام من الدين وأن الإيمان من الدين وأن الإحسان من الدين. Donc ce hadith est une preuve que ces trois degrés qui sont l'islam, la foi et la bienfaisance, ces trois degrés-là font partie de la religion. Et ceci vous apparaîtra clairement à la fin du hadith. Puis après cela, cet homme dit au prophète, « Akhbirni an as-sa'a, informe-moi de l'heure de la fin du monde. » فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. Le prophète lui répondit, celui qui est interrogé là-dessus n'est pas plus savant que celui qui pose la question. Bimana, c'est-à-dire que personne ne connaît l'heure de la fin du monde. وهنا نقطة. Et là, il y a un point sur lequel nous devons nous arrêter avant de continuer la lecture de ce hadith. C'est qu'il y a des personnes, qui prétendent donner des dates pour la fin du monde. Il y a eu à l'époque Nostradamus qui avait dit, je ne sais plus qu'est-ce qu'il avait dit, qu'est-ce qu'il avait prédit, ou plutôt qu'est-ce que son shaitan lui avait prédit. Donc il y a eu Nostradamus à l'époque qui avait prédit la fin du monde, ou qui avait dit que la fin du monde serait dans tant de temps. 1999. Il avait dit 1999. Walhamdulillah, nous sommes en 2011. Et aujourd'hui, alhamdulillah, on est en 2011. Fatabayana kadhib hadha al-muftari. Donc, le mensonge de ce menteur est apparu clairement. Et il y en a d'autres. Lui était un qui était connu, Nostradamus. Et il y en a d'autres. Et il y en a qui font des calculs, qui disent, selon les calculs, la fin du monde sera dans tant de temps. Sera telle année. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله عز وجل وأوحاه إليه يقول ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. Donc, je disais, il y a des gens qui prétendent connaître ou déterminer la fin du monde, alors que le prophète صلى الله عليه وسلم à qui Allah a parlé et à qui Allah a fait une révélation, lui-même le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas la fin du monde. Et il dit, celui qui est interrogé là-dessus n'en connaît pas plus que celui qui pose la question. Donc personne ne connaît l'heure de la fin du monde. Même si quelqu'un vient et vous ramène tout type d'arguments pour vous dire que la fin du monde sera tel jour ou telle année, la tusaddiqou, ne le croyez pas. Fa in saddaqtumuhu فَقَدْ كَفَرْتُمْ. Car si vous le croyez, vous serez certes des mécréants, vous serez certes sortis de l'islam. Car le prophète a dit que personne ne connaît la fin du monde. Personne ne connaît l'heure de la fin du monde. Donc si tu crois une personne qui te dit que lui, il connaît la fin du monde, ça veut dire que tu ne crois pas à la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Nouasil. Donc le prophète, lorsqu'il a été questionné sur la fin du monde, il a dit, celui qui est questionné là-dessus n'en connaît pas plus que celui qui pose la question. فقال أخبرني عن أماراتها. Alors, cet homme dit au prophète, très bien, alors informe-moi des signes précurseurs de la fin du monde. عليكم السلام ورحمة الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها. La première des choses, un des premiers signes précurseurs que le prophète a cité, il dit, lorsque l'esclave donnera naissance à sa maîtresse. Lorsque l'esclave donnera naissance à sa maîtresse. Nous allons expliquer cela d'ici peu, incha'Allah ta'ala. وَأَنْ تَرَى الْحُفَاتَ الْعُرَاتَ الْعَارَةَ رِعَاءَ الشَّائِي يَتَطَوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. Et que tu verras les gens, hein, qui sont les gens qui sont nu-pieds, peu habillés et qui sont pauvres, parmi les bergers, tu les verras qui s'élèvent dans les tours, qui s'élèvent dans les constructions. ثُمَّنْ تَلَقَ فَلَبِثْتُمَ لِيَّا. Puis cet homme donc parti. Et Omar رضي الله عنه dit, puis-je rester un temps? ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر, puis donc après une certaine période de temps que cet homme fut parti, le prophète صلى الله عليه وسلم dit à Omar, Ya Omar, atadri man isa'il? Le prophète dit à Omar, Oh Omar, sais-tu qui était cette personne qui est venue me poser des questions? Omar يقول قلت الله ورسوله أعلم. Omar a dit, Allah et son messager le savent mieux que moi. عليكم السلام ورحمة الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. C'est Jibril, c'était l'ange Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. C'était l'ange Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Donc, tout ce qui a été cité dans ce hadith, l'islam, la foi, l'iman, et la bienfaisance, l'ihsan, tout cela fait partie de la religion. Et c'est pour cela que les savants, et tels que l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab dans ce livre, ont dit que, donc, que la religion musulmane contient trois degrés. Que la religion contient trois choses. Contient l'islam, la foi et la bienfaisance. ثم نعود إلى أمارات الساعة. Puis nous revenons au signe précurseur de la fin des temps. Lorsque le prophète sallam a dit أن تلد الأمة ربتها, que l'esclave donnera naissance à sa maîtresse. قال العلماء إن المراد بذلك أن يصاب الأولاد بالعقوق فيستعمل الولد والدته فيستخدمها ويهينها ويضربها ويسبها فيجعلها كالجارية والأمة والخادمة التي تعمل عنده في آخر الزمان يكثر العقوق وتكون الأولاد عاقين لوالديهم. Donc, ce qui est voulu par là, c'est que donc les enfants seront ne respecteront pas leurs parents. C'est-à-dire que les enfants ne respecteront pas leurs parents. Et ils les insulteront, et ils les frapperont, et ils les rabaisseront. Tout comme l'homme rabaisse son esclave. Tout comme l'homme rabaisse son esclave. Et ceci est apparent. Nous entendons de temps en temps des personnes qui ne respectent pas leurs parents, qui les insultent, même carrément, qui arrivent même jusqu'à les frapper. Et d'autres qui vont et qui portent des plaintes à la justice contre leurs parents. وهذا كان لم يكن معروفا لدى المسلمين وإنما كان معروفا لدى الكفار لكن الآن للأسف الشديد لقد انتشر ذلك حتى عند المسلمين. Donc je disais que ceci n'était pas connu chez les musulmans. Ceci n'était connu que chez les mécréants. Et malheureusement au jour d'aujourd'hui, cette chose commence à se propager chez les musulmans également. Le non-respect des parents. Et ceci fait partie des signes de la fin des temps. Et lorsqu'il dit, lorsque tu verras les gens nu-pieds, peu habillés, pauvres, les bergers de moutons qui s'élèveront dans les constructions, هذا معناه أن الفقراء وأهل البادية المعروفون بالفقر الذين يمشون حفاة عراة أو شبه عراة الذين ليس فيهم شيء من الحضارة والغنى يأتي على الناس يوم هؤلاء يتركون خيامهم ويبنون القصور ويتفاخرون بذلك ويتطاولون بقصورهم. Donc c'est-à-dire lorsqu'il dit que donc les gens, tu verras les nu-pieds, etc., qui s'élèveront dans les constructions, c'est-à-dire que les gens de la campagne, ce sont les gens de la campagne Les Bédouins, qui sont connus pour la pauvreté, donc, qui sont connus pour la pauvreté, et ceux qui connaissent un petit peu les Bédouins dans les déserts, hein, ils savent que vous voyez, tu les vois qui marchent nu-pieds, surtout leurs enfants. Ils marchent nu-pieds. Et ils ont peu de vêtements. Et ils sont pauvres. Eh bien, tu verras ces gens-là, qui sont des bédouins et qui se déplacent d'endroit en endroit, ils vont délaisser leur tente, et ils vont construire des maisons, et ils vont s'enorgueillir. Ils vont s'enorgueillir avec leur maison. Et ils vont se concurrencer celui qui a la plus haute maison. وشيخ محمد أمان يقول وهذا هو واقعنا الآن. Et ceci est ce que nous voyons au jour d'aujourd'hui. Les gens de la campagne qui rentrent, qui vont dans les villes ou qui construisent des maisons et qui forment des villes. Donc ce hadith, qui est un hadith immense, plein d'enseignements, nous prouve que donc la religion contient trois degrés qui sont l'islam, la foi et la bienfaisance. وكذلك من فوائد هذا الحديث. Parmi les enseignements que nous tirons de ce hadith, فيه التعليم بطريقة السؤال والجواب. On prend de ce hadith parmi les enseignements que parmi les moyens d'enseigner la religion ou d'enseigner quoi que ce soit, le fait de faire des questions-réponses. La méthode des questions-réponses, qui fait partie des méthodes d'enseignement. وهي طريقة ناجحة بإذن الله تعالى لأنها أدعى لانتباه الطالب. Et c'est une méthode bénéfique. C'est une méthode bénéfique par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, car elle attire l'attention de l'étudiant. Lorsque tu poses la question, donc l'étudiant va commencer à réfléchir et va commencer à essayer de trouver la réponse. Puis tu vas lui donner la bonne réponse. Soit il va lui-même la donner et tu vas acquiescer, ou soit il va donner une mauvaise réponse et tu vas lui corriger son erreur et lui donner la bonne réponse. Et cela va faire que l'information va rester dans sa tête. Toute cette opération va faire que la science et la connaissance va s'inscrire plus facilement et sera plus enracinée dans sa tête. وكذلك من فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا سئل عن شيء لا علم له به فعليه أن يقول الله أعلم لا أدري. Donc également on tire de ce hadith comme enseignement que si une personne est interrogée sur une chose qu'il ne connaît pas, eh bien il doit dire Allahu a'lam, Allah est le plus savant, je ne sais pas. لأن مسائل الدين لا يجوز الكلام فيها إلا بعلم صحيح مأخوذ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال العلماء المعتبرين. Car dans les questions de religion, il n'est pas permis de parler sauf pour celui qui a une connaissance authentique qui est prise du livre d'Allah ou de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou des paroles des savants reconnus. وكذلك من فوائد هذا الحديث التأدب مع العلماء وما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم من الآداب وحسن الهيئة. Donc également parmi les enseignements que l'on tire de ce hadith, le fait d'avoir un bon comportement avec les savants, de bien se comporter avec les savants. Et on apprend aussi dans ce hadith comment l'étudiant, quel est le comportement d'un étudiant en science. Et le fait que l'étudiant en science doit donc avoir un bon comportement, il doit avoir une bonne apparence. Une bonne apparence. Donc voilà les choses que nous tirons de ce hadith. ثم الأصل الثالث يقول الإمام الأصل الثالث. Nous passons maintenant au troisième fondement et au dernier fondement. Ma'rifatu nabiyikum Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. La connaissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc la connaissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. يقول الإمام رحمه الله تعالى وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش أو وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليه ابن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. Donc l'imam Mohammed ibn Abd al-Wahhab commence par nous citer le nom du prophète صلى الله عليه وسلم complet et sa généalogie. Il nous dit, il s'appelle Muhammad ibn Abdullah, fils de Abdullah, fils de qui Abdullah qui est le fils de Abdul Muttalib, et Abdul Muttalib qui est le fils de Hashim. Et Hashim faisait partie de la tribu de Quraysh. Et la tribu de Quraysh fait partie des Arabes, des tribus arabes. Et les Arabes font partie de la descendance de Ismaïl, alayhi salam, qui est le fils d'Ibrahim alayhi salam, qui sont donc des ancêtres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà la généalogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu min al-umri 63 sana. Et il viva 63 ans. Minha 40 qabla an-nubuwa. 40 ans avant la prophétie, wa thalathun wa ishruna nabiyan rasula, et 23 ans en étant prophète et messager. Nubbi'a bi iqra wa ursila bil muddathir. Il a reçu la révélation. Il est devenu prophète lorsqu'il a reçu la révélation de la sourate Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq. La sourate 96. Je pense qu'ils le traduisent par l'adhérence. Et il a été envoyé comme messager par la sourate Al-Muddathir, qui est la sourate numéro 74, l'enveloppée. Al-Adhan. Taïb. Donc nous disions qu'il est devenu prophète. Il est devenu prophète lorsque la sourate Iqra, Bismi Rabbika alladhi khalaq, lui a été révélée. Lorsqu'il était dans la grotte de Hira et que Jibril alayhi salam est descendu dans la grotte, a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala et l'a rejoint dans la grotte. Et comme vous le savez tous, il lui a dit: lis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: je ne sais pas lire. Alors Jibril l'a attrapé et l'a serré jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pensait qu'il allait mourir. Puis il l'a relâché et lui a dit: lis. Et il a dit: je ne sais pas lire. Et il lui a refait la même chose. Il l'a compressé jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cru qu'il allait mourir. Puis la troisième fois qu'il lui a dit: lis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: je ne sais pas lire. Et après, Jibril lui a récité les versets avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala l'avait envoyé, qui sont les cinq premiers versets de la sourate 96, de la sourate numéro 96. Donc c'est là qu'il a reçu la prophétie, alors qu'il était dans la grotte de Hira. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude, avant d'être prophète, de faire des retraites spirituelles dans cette grotte, car il n'était pas d'accord avec l'adoration des idoles, l'adoration des statues. Il voyait ce que les Qurayshites faisaient, les mushrikines, mais il n'était pas d'accord avec cela. Et donc il s'isolait et faisait des retraites spirituelles dans cette grotte. Et c'est là où il reçut pour la première fois la révélation. Puis après cela, après une certaine période de temps, Jibril alayhi salam est revenu le voir, envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui ordonner de propager la religion. Et c'est pour cela que le Cheikh a dit, et il est devenu messager Il a été envoyé comme messager par la sourate Al-Muddathir. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, dans les versets qui lui a révélé, lui a dit « Ya ayyuha al-muddathir, qum fa'anzir. » Ô toi l'enveloppé, lève-toi et avertis. Lève-toi et avertis. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de propager la religion. Taïb. Ma huwa al-farq bayna an-nabi wa ar-rasul? Quelle est la différence entre un prophète et un messager? Ikhtalafa al-ulama fi at-tafriq bayna an-nabi wa ar-rasul. Les savants ont divergé sur la différence qu'il y a entre un messager et un prophète. Lorsqu'on dit un prophète et lorsqu'on dit un messager, y a-t-il une différence, oui ou non? Oui. Naam. Il y a une différence. Certains savants disent qu'il n'y a pas de différence. Il faut le noter. Certains savants disent qu'il n'y a pas de différence entre le prophète et le messager. Donc ils disent que tout prophète est messager et tout messager est prophète. Mais cet avis est faible. Cet avis est faible. Car Allah subhanahu wa ta'ala, dans un verset, lorsqu'il parle, si je ne me trompe pas, il parle de Moussa, il dit wa kana nabiyyan rasula. C'était un prophète messager. Donc le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité ces deux mots, ça veut dire qu'il y a une nuance entre les deux. Sinon ce serait une répétition. Wallahu azza wa jal munazzahun an at-takrar alladhi laysa lahu fa'ida. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas des répétitions qui n'ont aucun intérêt. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est pour une raison bien précise. Donc il y a une nuance entre les deux. Ça, c'est une chose à savoir. Maintenant, quelle est cette nuance? Comment les savants ont-ils divergé sur cette nuance? Certains ont dit que le prophète, c'est celui qui reçoit une révélation. C'est celui qui reçoit une révélation de la part d'Allah. Mais il ne lui est pas demandé de transmettre cette révélation. Mais il ne lui est pas demandé de transmettre cette révélation. Et le messager, c'est celui qui a reçu une révélation et à qui il a été ordonné de transmettre cette révélation. Ça, c'est un avis. Ceci est un avis. Le prophète et le messager, tous deux ont reçu une révélation. Mais le prophète ne doit pas la transmettre alors que le messager doit la transmettre. Gharib. C'est étrange. Lakinnahu huwa al-mashhur. Hadha huwa al-mashhur 'inda al-ulama. Cette différence elle est étrange, mais c'est ce qui est le plus répandu. C'est la différence qui est la plus répandue parmi les savants. Tayyib. Le deuxième avis sur la différence entre le prophète et le messager, ils ont dit le prophète, c'est celui qui reçoit une révélation, mais qui doit transmettre un message qui l'a déjà précédé. Il ne fait que suivre un message qui l'a déjà précédé. Comme les prophètes des Juifs. Tous étaient sur la législation de Moussa alayhi salam. Tous suivaient la religion et les lois de Moussa alayhi salam dans la Torah. كما قال تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيين الآية. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset, nous avons certes fait descendre la Torah. Il y a en elle une guidée et une lumière. Les prophètes qui s'étaient soumis à Allah jugeaient par elle parmi les Juifs. Il a dit les prophètes jugés par elle, par la Torah. Donc, le prophète, ils ont dit, c'est celui à qui il est fait une révélation, mais il lui est demandé de suivre une loi qui l'a précédé. Il lui est demandé de suivre un livre et un message qui l'a précédé. Alors que le messager, il reçoit une révélation Et il reçoit un nouveau message. Il reçoit un nouveau message. Wadih ? C'est clair ? Ou ça demande plus d'explications ? C'est une sorte d'explication, non ? C'est par rapport à ce que contient le message, comme ordre et comme interdit. Donc, le prophète, selon cet avis, le prophète est celui qui reçoit une révélation, mais cette révélation, elle ne fait que suivre une révélation qui l'a précédée. Au niveau des ordres et des interdictions, il ne ramène pas de nouvelles choses. Alors que le messager, il reçoit une révélation et il ramène des nouveaux ordres et des nouvelles interdictions. Et Cheikh Mohamed Aman, rahimahullah, nous dit لكن التعريف الأول يؤخذ عليه القول بأنه لم يؤمر بالتبليغ والدعوة والدعوة والإصلاح واجب الرسل وواجب الأنبياء وواجب من اتبعهم فإن أتباعهم مكلفون بالإصلاح والنصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم والدعوة إلى الله فإذا كان العلماء وهم ورثة الأنبياء يكلفون هذا التكليف يعني مكلفون بالدعوة فكيف لا يكون الأنبياء مكلفين بالدعوة هذا غريب ولذلك التعريف الأول على الرغم من أنه هو المشهور عند كثير من أهل العلم ولكن التعريف الثاني أنسب من حيث المعنى دونك Cheikh Mohamed Aman nous dit que donc le premier avis, il nous dit ce qu'on trouve anormal dedans, c'est que ils ont dit que le prophète c'est celui qui a reçu une révélation mais qui n'est pas ordonné de la propager, de la transmettre. Alors que les prophètes, leur but et leur mission est de quoi ? Et d'appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, de transmettre aux gens le message d'Allah. Les prophètes sont venus pour guider les gens au droit chemin. Et les savants, qui sont des héritiers des prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la responsabilité de propager la religion. Donc comment on va dire que des savants, qui ne sont pas des prophètes, donc, ont le devoir de propager la religion, et des prophètes, eux, n'ont pas ce devoir-là. Donc c'est pour cela qu'il dit... C'est pour cela que Cheikh Mohamed Aman nous dit que donc cet avis-là, malgré que c'est l'avis qui est le plus répandu parmi les savants, mais malgré cela, le deuxième avis est plus correct. Lyon Qiyama, il y a des anges qui viennent à des gens qui leur disent n'est-il pas venu quelqu'un vous l'enseigner ? Non. Alou Balay. Ça prouve, que ce soit prophète ou messager, ils sont là pour enseigner. Non. Exact. يأتي النبي وليس معه أحد. نعم كما في الحديث. Aujourd'hui la résurrection, il viendra. Chaque prophète viendra avec sa communauté. Il y a un prophète qui viendra avec une troupe d'hommes, un autre qui viendra avec une dizaine d'hommes, un autre qui viendra avec deux ou trois hommes, et un prophète qui viendra sans personne avec lui. Personne n'aura répondu à son appel. Donc ceci est une preuve que même les prophètes donc, ont le devoir de transmettre. Quand tu l'as reçu, quand Ibrahim nous a dit de. Et il a reçu la révélation avant qu'il ait l'autre révélation de son manteau. Non. Il y a eu une interruption, non ? Ou il a fait d'arrivée directement après que... Non, il y a eu une interruption. Il y a eu une interruption de quelques mois ou quelques années. Donc, il n'a pas été. On n'a pas ordonné d'appeler en fait aux gens. هذا هو موضع إشكال وإن شاء الله يعني يبحث تبحث المسألة. il faut étudier la question en détail pour pouvoir après arriver à une conclusion correcte. طيب. وبلده مكة. Et sa ville natale était la Mecque. وهاجر إلى المدينة إلى إميغري إلى إميغري à Médine. وبعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. Et Allah l'a envoyé. Et Allah l'a envoyé pour. Allah l'a envoyé pour avertir contre le shirk, contre l'adoration d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour appeler les gens au tawhid, pour appeler les gens à unifier Allah par l'adoration. والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. Donc la preuve de cela c'est la sourate al-Muddathir. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit يا أيها المدثر ô toi l'enveloppé قم فأنذر يعني ينذر عن الشرك, lève-toi et avertis, c'est-à-dire avertis contre le c'est-à-dire averti contre le shirk et appel au tawhid. Wa rabbaka fakabbir, ay azimhu bit tawhid. Donc et glorifie ton Seigneur, c'est-à-dire vénère-le par le tawhid. Wa thiyabaka fatahhir, ay tahhir a'malaka 'ani shirk. N'am. Et purifie tes vêtements, c'est-à-dire purifie tes actes de tout type d'associationnisme, tout type de shirk. والرجز فهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها ومن أهلها أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد. Et écarte-toi des idoles, c'est-à-dire délaisse-les et délaisse les gens qui les adorent. Et désavoue-toi de ces idoles et désavoue-toi des gens qui adorent ces idoles. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant 10 ans, n'appela qu'au tawhid. Pendant 10 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'appela qu'au tawhid. Wa ba'da al-ashri ila sama wa furidat alayhi salawatul khams. Et après les 10 premières années de sa prophétie, il fut élevé au ciel. Et c'est là où il a reçu l'obligation de commettre, d'accomplir les 5 prières obligatoires. Wa salla fi Makkah 3 sinin. Puis il resta à la Mecque à prier pendant 3 ans. Pendant 3 ans. Wa ba'daha umira bil hijrati ila al-Madina. Puis ensuite il a été ordonné d'émigrer à Médine. Donc il resta 13 ans à la Mecque. 10 ans en appelant au tawhid, et les 3 autres années, il l'appelait au tawhid et à la salat. Puis après ces 13 premières années, il fut ordonné d'émigrer à Médine à cause des persécutions des associateurs, et afin d'édifier la société musulmane, pour pouvoir ensuite propager l'islam. Et nous continuons après la salat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.